blotti dans ton sourire, t'englouti dans ton sourire. Je dors blotti dans ton sourire. Chose en toi, oh la merde, ça ressemble un peu trop là. Ne tourne pas rond, ça ressemble un peu. Hein. Ça passe ou ça passe pas? tout mon amour. Et mon sujet l'âme et le corps.